Vous écoutez Choc FM. L'alternative urbaine. Choc. Oh, choc, choc. Choc. Bonsoir. En manchette ce soir, Tommy Godette est de retour et nous essaierons de ne pas trop le contrarier car il a vécu une ordalie à Chibougamau. Vous êtes à 70%. Le ben mieux, je suis sensible. Quand la cloche sonne, c'est qui donne son 70%? Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent. Tellement fait fort, du bon bon bon fort, chaton, mais doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Oui, c'est touchant. Hein? Je suis touché. On a Pierre Chamartin en studio. Bonsoir, Pierre. Allô? Pierre, t'es chargé de cours à l'UDM? Oui, à l'UDM, au département d'études cinématographiques. Et voilà, puis il s'est enfargé dans notre site. On va poser quelques questions à un fan fou. Sinon, on a Bruno Corbin qui a bien sûr des nouvelles. Oui. Oui, grattez-vous pas trop à la même place quand il va parler. C'est le même effet à chaque semaine, on le sait. DJ George, est-ce qu'il y a un nom à ton spécial douleur? Aujourd'hui, c'est un spécial hasard, parce que j'ai rien préparé. Je vais juste faire jouer ça en random. Ça donnera ce que ça donnera. Et voilà, ben t'as préparé un spécial hasard en ne le préparant pas. Voilà, c'est ça. Et puis Evelyne Potvin-Cloutier, qui a elle aussi survécu à Chibougamau. J'y étais, oui, c'est encore moi. Puis aujourd'hui, on va parler de toi, Tommy. On va parler de moi au travers de Dan Millman. Et ton chemin de Dan vie. Dan Millman, j'étais allé voir sur Internet d'ailleurs aujourd'hui, puis j'ai vu qu'en 1964, il avait gagné un championnat du monde de trampoline. Ah ouais, en plus. Ouais. Fait que ça rajoute, bien sûr. Ça rajoute beaucoup de crédibilité. Raison de crédibilité au propos de Dan Millman. On va apprendre que je suis un 33-6. J'ai tellement hâte de savoir c'est quoi. C'est comme un 33-3. Ben oui. J'aurais aimé ça être ça, moi? Oui, sûrement. Je te le prêterai. Excuse-moi, t'es juste un 9. Ouais, c'est comme moi. Je m'excuse. Non, c'est pas un 9. Moi, j'étais un 27-9, me semble, c'est ça? 27-9. Sinon, ben, vous irez écouter les émissions en archive pour avoir de la bonne documentation. Le film qui a été voté ce soir au douteux.org, le site qu'on aime tous, c'est l'excellent Cible primaire, version française de Total Force. Ça n'a rien à voir avec Forceté, qui est un film de Jack Scalia de la même année. Et c'est le prélude à Absolute Force, qui est la suite de Total Force. Donc, tu peux pas vraiment te tromper. On va commencer l'émission, on va écouter une chanson de, probablement à mon sens, le Québécois, qui a sûrement réussi le mieux à bien rendre le Québec sur la scène internationale. Et oui, c'est le gars le plus piraté de l'histoire d'Internet. C'est encore vérifiable de nos jours. Sinon, en background, c'est le... Comment que ça s'appelle? Overclocked Remix. On est rendu dans les lettres D. Là, il y a un téléphone. Hey, wow. En début d'émission de même. Bonjour, bienvenue à 70%. Salut, c'est Predge. À qui je parle? Tu parles à Tommy? Ben non, il parle de Tommy. Ben. Le miracle du direct. Qu'est-ce qu'il y a, Simon Préjean? Hey, c'est juste un conseil de même. Là, baissez votre son général. Les micros sont trop forts depuis 2-3 émissions. Là, ça sonne le cul. Bon, ben parfait. Merci bien gros. Avec on prend le conseil. Ouais, à tantôt, Fred. Merci, Fred. C'est drôle parce que pendant les Mystérieux Étonnants, j'ai failli appeler à leur émission pour leur dire de baisser les micros. De baisser les micros, bon, ben. Mais t'as plus de savoir-vivre que ça. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est parce que j'ai appelé puis ça marchait pas. Ah, non, ben, OK. On prend le conseil, c'est sûr. Mais oui. Rendu là, c'est Simon Préjean, il sait de quoi qu'il parle. Oui. On s'en va se saucer dans une chanson de François Pérusse, puis on revient à 70%. 70 qui semble disparu pour ne jamais revenir, le rock progressif. Ces groupes où le chanteur vous chante une histoire pendant que les musiciens en arrière essaient de vous mêler avec des signatures rythmiques différentes à chaque mesure. Une fois, c'était un petit gars qui, pauvre de même, d'un coup est arrivé là. D'où ce qui vient, d'où ce qui s'en va, je le sais-tu, moi. C'est juste un petit gars qui est arrivé comme ça, c'est pas ma faute à moi. C'était un petit gars sur le trottoir, un petit peu planté là. Dans son nez, il y avait ses deux doigts. Attends ça, je sais pas, c'est juste un petit gars, c'est aussi simple que ça. C'était un petit gars, tout d'un coup qui était là. D'où ce qui vient, d'où ce qui s'en va. Je sais pas pour moi, mais de toute façon, laisser ça change aussi les gars. Ton kangourou, ton mille figas. Avec cette chanson-là, pensez-vous? Eh ben moi, je pense pas que je vais être lauréat du prix du meilleur auteur de chansons francophones du Canada. C'est l'événement, on va tout chez Gaulle, la cupole, la gassée, Chrysler, Buick, Tourcero Bleuet. Venez profiter de notre remise 12 mois comptant sans compter ni mensualité ni intérêt sur la TPS du prix de vente au détail. Venez nous voir à l'entrepôt V8 sur le chemin de l'aréna à Saint-Thibaudeau-du-Lac-Croche, la baie des Goulets. Sur le plancher, j'en ai toutes les couleurs pis ça fait peur. Un Charger, Blaster, Blower, Galloper, deux portes, deux minutes dans le toaster. 2008! Garantie Antoine Baudouin. Un Submerger, GTX Laval, Serantel 3 quarts, crampé dans le top. 28 pouces cubes de cylindre, jack et 3 quarts. Avec des jantes d'aluminium Good Bench Combo, 13 pouces et quarts, jack et 5 bords dans le trailer. Vous en voulez encore? Une Yellow Kelowna Céleste, hatchback cabrio, 5 portes. 125 km au tiers de gallon et demi. Conduite sportive, siège en cuir moulé qui colle, beige. Garantie d'essai 2 mois avant vente échange. Mais courez, ça achève! Notre plan d'achat est simple. On offre une deuxième chance au crédit à 2% sur tous les véhicules disponibles en stock 2007. Supérieur mensuel contrôlé avant printemps 2009. Venez nous voir à Saint-Thomas-du-Lac-Brun du bâton croche pu. En arrière de la paroisse Saint-Flavien-Riburne à côté de l'usine de Porte-Écolo Pêche. On vous attend! Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Moi, c'est vraiment mon indicatif préféré. On se tanne pas. Prends-en de la graine, Pierre, va falloir que tu nous en fasses un tantôt. Ah, ah oui, on fait faut ça que ça la cote, ça. Bruno Corbin en nouvelle. Un autre danger du texte-message, parce qu'on sait qu'il y a plein de dangers au texte-message. Marcher pendant contexte. Alexa Longueria l'a appris à la dure. L'adolescente se promenait sur la rue avec une amie, se préparant à envoyer un message texte lorsqu'elle a senti le sol disparaître sous ses pieds. Une chute d'un mètre et demi dans un trou, d'un trou d'homme que les travailleurs de la ville avaient laissé ouvert. Les cols bleus se sont empressés d'aller aider la jeune fille en détresse en lui faisant leurs excuses. La mère a l'intention d'intenter une poursuite à la ville. Qu'elle ait été en train de texter ou non ne fait aucune différence, a-t-elle affirmé, parce que les travailleurs n'auraient jamais dû laisser ce trou sans surveillance. Le fait que l'égout était vide ne la console pas. Elle a aussi ajouté « un de ses souliers est encore là-dedans ». Eh ben... Un de ses souliers. Est-ce qu'on a des. Non, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles du soulier droit. Colin. On ne sait pas de quel pied, on ne sait pas de quelle marque. Ça va mal. On sait qu'il y a un soulier qui est dans un égout en quelque part dans le monde. Bon, on a un agent sur le terrain, il va nous revenir. Un égout qui est technicalement plus vide. Oui, ouais. Qui est probablement plus vide maintenant. Avec un soulier dedans. Parce qu'il y a au moins un soulier dedans. Ah, il y en a déjà une autre. D'accord. On va se garder un bloc chien pour plus tard. Asasoiru, le bad boy du sumo, est constamment critiqué au Japon pour son comportement asocial qui le mène souvent à se battre dans des endroits publics. Mais maintenant, l'ancienne vedette du sumo qui travaille comme commentateur à la télévision accuse Asasoiru d'être trop gros. Pour un sumo. Il dit qu'il a l'air flasque et grassouillet. Il a l'air beaucoup moins solide. Il affirme aussi « Quand je suis devenu flasque, je détestais montrer mon corps en public. » Il a l'air de ça maintenant. Voilà. Donc, le message est passé. Voilà. Je sais pas s'il va encaisser, par contre. Non, je sais. D'après moi, il va aller y casser ailleurs. C'est ça. Pierre Chamartin, un amateur de sumo? Oui, j'adore le sumo. Ah ouais? J'en regarde énormément. D'ailleurs, je reviens du Japon et j'en ai regardé pendant au moins 5 minutes. entre les pubs, et c'est un sport très impressionnant. Ils sont presque tout nus et ils portent de très jolis slips de lait et rose. Et oui, et ils jettent du riz. Voilà. Bon, ben c'est bon ça. Je pense que ça fait le tour. Sinon, Pierre Chamartin, en fait, moi j'aimerais que tu nous fasses ta bio un petit peu. Comme ça, on va savoir. Ma bio est très impressionnante. J'ai 32 ans et j'étudie encore. Donc ça fait de moi un recordman. Je pense que ça fait plus de 15 ans que je suis à l'université. Je sais pas trop pourquoi. Puis je me débrouille à droite et à gauche pour me cramponner un petit peu à mes études. Je sais pas j'ai pas tellement de buts dans un futur proche là, mais j'aimerais bien finir ma thèse un jour qui porte sur la bande dessinée du 19e siècle. Oh boy. Et puis je travaille beaucoup avec les tout débuts du cinéma, donc je m'intéresse au rapport entre bande dessinée et cinéma. Raoul Barré. Raoul Barré. Notre génie québécois, nous tout autres. Tout à fait. Ah bon, c'est le fun, ça. Tout à fait, ouais, c'est pas mal le fun, ça prend du temps, c'est parfois un petit peu dur, et puis on se sent seul. Il n'y a pas beaucoup de compétition, alors évidemment, ça a favorisé mon choix. Moi, ouais, j'avoue que la BD, c'est vraiment dénigré, surtout en Amérique du Nord. C'est pas super étudié, mais je dirais qu'en Amérique du Nord, il y a quand même plus de candidats qu'en Europe, de façon générale, pour des raisons tout à fait... historique, les disciplines en fait favorisent plus l'étude des champs secondaires entre guillemets en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Puis on ressent moins l'influence de la sémiologie, de la crypto-sémiologie des années 70, qui est très très très marquante en Europe en fait dans l'étude de la bande dessinée. Donc c'est un domaine qui est quasiment qui constitue la chasse gardée des études en communication. Et en Amérique du Nord, de façon plus générale, c'est plus décloisonné, quoi. Donc des gens qui viennent de l'histoire, des sciences politiques, de sociologie, qui s'intéressent à la bande dessinée. Mais pour l'histoire proprement dite de la bande dessinée, avant les années 1910, on est une poignée. Maintenant, si je te dis que Winsor McCay a inventé la majorité des techniques cinématographiques qui sont utilisées, puis qu'on vante Orson Welles d'avoir développé dans Citizen Kane. Ah, ça enlève rien à Orson Welles? Non, mais ça en donne à BD un petit peu ça avant. Ça en donne beaucoup à la bande dessinée, ouais. Winsor McCay, c'est un grand, grand génie. Puis, il est mieux connu aujourd'hui grâce aux rééditions, en fait, qui sont meilleures que celles qui... les originaux qui avaient au départ. Ouais, qui pullulaient, en fait, qu'on pouvait trouver à droite et à gauche. Winsor McCay, c'est un... Il y a Mac Manus aussi, il y a... Un tas de gens, Outcore, Richard Outcore aussi. Donc, tous ces gens-là, en fait, se connaissaient... venaient tous plus ou moins du même petit milieu de la caricature. Parfois même, ils venaient du vaudeville. Alors, par exemple, Winsor McCay venait du vaudeville. Il faisait des dessins, en fait, en direct, sur scène, en fait. Donc, il faisait des caricatures géantes. C'est un drôle de type. Puis, il était conscient de son talent, on va dire. Peut-être un peu trop, ça se voit dans certains de ses films d'animation. Il se met souvent en scène, mais c'est un type assez épatant. Ah oui, certain. Ouais, c'est le créateur de Little Nemo, Winsor McCay, voilà. Ceux qui se le demandent. Là. Il est pas mal à la source du stéréotype du héros qui se lève à la fin de l'histoire parce que tout ce qui s'est passé, c'était juste un rêve. Là. Ouais, sinon, pour tomber un petit peu dans ce qui nous intéresse vraiment, là, est-ce que, Pierre Chamartin, est-ce que tu joues à Magic? Non, alors je ne joue pas à Magic. Par contre, j'ai joué à Donjon. Ah, c'est bon, ça. Si, ça compte aussi. J'aime beaucoup les role-playing. Moi, si j'avais une thèse à faire, ce serait sur, disons, l'espèce de mélange de valeurs pédagogiques des jeux de rôle. Et puis, c'est pas mal ça. Parce que c'est probablement le seul domaine des médias, selon moi, où la communication qui est dénigrée plus que la bande dessinée. Ah, totalement, je pense, ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer à ça, ma mère, elle disait, moi, j'ai pas peur que t'ailles vénérer Satan. Là, je comprenais pas c'était quoi le lien. Alors, tu le fais en garage. Oui, c'est ça. Et puis sinon, est-ce que t'as un dinosaure préféré? Naturellement, j'aime beaucoup le T-Rex. C'est drôle d'ailleurs que tu me poses cette question parce que j'étais à Toronto la semaine passée et j'ai visité le muséum de Toronto. Ok. Et il est pas mal beau ce musée. En fait, il y a une grande galerie consacrée uniquement aux dinosaures et puis ils ont des choses de fou. Alors j'aimerais bien te dire plus précisément quel est le nom de mon dinosaure préféré. Le T-Rex est évidemment très très beau. Mais j'ai vu un squelette d'un tout petit dinosaure qui ressemble à un T-Rex, mais en miniature. Compsognathus. Mais quelque chose comme ça. Ça fait 4 pieds de haut. C'est exactement la même chose. Oh, c'est top cute. La version d'appartement. C'est bon, ça. Tu peux le garder dans ton appart, c'est sur le plateau. Ouais, c'est ça. Et puis sinon, comment t'en es venu à être chargé de cours à l'UDM? D'abord, ma spécialité, c'était plutôt le cinéma des tout premiers temps. Et puis, comme tout doctorant, j'avais droit à une charge de cours, j'avais droit d'enseigner. Puis, avec mon superviseur, André Gaudreau, on a décidé de mettre au point, enfin, c'est lui qui a décidé, puisque c'est lui qui avait le pouvoir de mettre au point un cours qui s'appelait Culture et Documentation, qui est un cours d'introduction aux études cinématographiques. Donc, on présente le département, on explique ce en quoi consistent les études cinématographiques. En fonction des traditions de l'Université de Montréal. Donc, tradition plutôt. On verse plutôt dans la théorie, dans l'histoire, que dans le versant pratique. Enfin, on fait de la pratique aussi à l'Université de Montréal. Et donc, c'est un cours un petit peu at large, en fait. J'avais un cahier des charges assez serré parce que c'est un cours de méthodologie. Donc, très austère. Et puis, alors, les étudiants ne manquaient pas de me le faire remarquer. mais bon, alors, il fallait que je parle de bibliographie, de choses comme ça, où mettre le point, où mettre les deux points. Des choses très intéressantes. Ça sert un jour. Ouais. Mais c'est ça. Et puis, en dehors du fait que le cahier des charges était très, très, très, très lourd et puis très contraignant. On m'a dit, en fait, tu fais ce que tu veux pour le reste. Si tu veux enseigner ton cours en faisant le poirier ou tout nu, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où le cours passe, ça marche. Donc, en fait, j'agrémentais le cours d'extraits divers et variés de films tous plus nuls les uns que les autres. Ah, c'est là qu'on sent qu'on commence à... Alors, je ne suis pas un spécialiste comme vous, mais je m'intéresse beaucoup aux navets, en fait, aux nanars, et puis en bande dessinée plus spécifiquement, mais donc aux très mauvaises bandes dessinées. Il y en a un nombre colossal. C'est à peu près la même proportion qu'au cinéma, mais plus encore, je pense. Donc l'idée, c'était de... Je leur passais pas que des films mauvais, je leur passais même des extraits de films de Woody Allen, par exemple Zelig, parce que c'est un film de montage. Donc c'est un film un petit peu délirant. Ça rajoute aussi à variété. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de rompre un petit peu avec la tradition du département qui s'appuie évidemment sur la culture du chef-d'œuvre. Culture du chef-d'œuvre qui empoisonne un petit peu les études cinématographiques, mais les études littéraires aussi. Les études théâtrales, enfin... On est d'accord. Donc forcément, en concentrant le point de vue du cours sur du chef-d'œuvre, forcément, on biaise à la base, en fait, l'approche que peuvent avoir les étudiants du cinéma. Parce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre? Enfin, je veux dire... C'est une construction sociale, Casablanca. Et voilà. Casablanca, dont l'auteur... son nom m'échappe à présent, n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Il a fait beaucoup de très mauvais films. Son nom là m'échappe complètement, ça ne me revient pas, mais c'était pas un grand film. Wikipédia est là pour ça. Exactement, Wikipédia est là pour ça. Mais il a fait une cinquantaine de films, et sur la cinquantaine de films, il y a peut-être une quinzaine de films qui sont très bons, mais le reste, bon. Puis en plus, c'est dur pour un créateur de faire quelque chose qui est trop rapidement considéré comme un chef-d'œuvre. Ouais. Puis après ça, de ne pas décevoir son auditoire, ça doit être quelque chose. Curtis, le nom de l'auteur. Ah, bon, voilà. Qui a fait un Rambin des Bois absolument exceptionnel en Technicolor de 1937 avec Tous les hommes étaient en col en vert. Ils sont très drôles. Très viril. Mel Brooks a fait une blague plus tard avec ça. Man in Tanks. Voilà. Ah ben merci beaucoup Pierre, tu vas rester tout le long de l'émission à moins que tu aies envie de te sauver, que tu sois capable de défaire les tie wraps qui gardent tes poignets à ta chaise. Détachez-moi. Ouais, c'est ça. Ça me surprendrait. Sinon on va mettre une petite toune tranquille au retour, ça va être toi DJ hein. Je me tiens prêt. Ça va être monsieur Georges. On va écouter ça va être Mekessi. C'est l'excellent Edgar Bory qui nous a envoyé sa chanson et puis là bientôt il va avoir son nouvel album et puis ben sur son avant-dernier là, celui duquel il était venu nous parler, il y a Mekessi dessus puis moi je la trouve bonne. Fait que on va faire contraste. Edgar Bory à 70%. Merci Pierre Chamartin. Mekessi est comme Campour, jusqu'où c'est que c'est le mal d'amour. Depuis le temps que ben coudon, plus que jamais le monde s'en fond. Mekessi de pourtant comme on donne plus rien en personne. Quand qu'on se vend pour son nombril, ça augmente le coût de la vie. Mekessi est comme quand même, on s'en sac tous tes problèmes. Depuis le temps que ben couillon, y'a plus de printemps, plus de saison. Mekessi est pourtant sûr, ça continue plus d'air pur. À foirer dans son pays, ça l'engraisse les peaux pourries. Comme le coq en pâte, le chien des rues, comme le nerf de la guerre, le j'en peux plus. Comme si c'est comme ça, un fou d'une poche, j'aime à cause, j'aime même. Vive la fin de semaine. Comme le fast-food frette, l'humoriste qui pète, un sapin de toilette, lancer la serviette, comme le poêle à gaz, une ben bonne phrase, comme ma grosse Germaine, toutes les fins de semaine. Mais que si est comme quand pour, jusqu'où c'est que c'est le mal d'amour. Depuis le temps que ben coudon, plus que jamais le monde s'en fond. Mekessi de pourtant comme on donne plus rien en personne. Quand qu'on se vend pour son nombril, ça augmente le coût de la vie. Comme le gars qui tâte, la chienne de vue, dérange pas l'affaire des gens tout cul. Comme si c'est comme ça, un fou d'une poche, j'aime ma grosse germaine. Vive la fin de semaine. Je veux pas d'une place banale, je veux ma face dans le journal. Je vois des visages à 6 heures dans l'autobus. Mal de cœur, c'est pas ma job au dépanneur qui va me remplir de bonheur. Alors, si je pourrais être une vedette pour voir vivre ma vie d'allumette, être plus que riche, même s'il faut que je triche, faut que je prenne ma place, faut pas perdre la face devant ma chérie. Yak yak quand qu'on parle pas d'argent, qu'elle rit. Mais que si est comme quand pour, jusqu'où c'est que c'est le mal d'amour. Depuis le temps que ben coudon, que jamais le monde s'en fond. Mekessi de pourtant comme on donne plus rien en personne. Quand qu'on se prend pour son nombril, ça l'engraisse. Quand qu'on se vend pour son nombril, ça l'engraisse. Les pots pourris. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Hey boy. Ils vont peut-être m'avoir qui ont reconnu un chat dans ma gorge et Jake, le méchant dans les Twin Dragons. Oui. Moustachu. Hey boy. C'était beau. Moi, je pense que DJ George, les ondes t'appartiennent. Oui, ben c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une expérience avec vous tous ici comme cobayes. J'ai pris toute ma playlist, puis je me sens random. Je me réserve le droit de skipper des tunes si on les a déjà entendues plein de fois, puis tu sais, pour essayer de découvrir du nouveau. Puis si il y a quelque chose qui nous inspire d'autres choses, on pourra rien qu'aller le chercher. D'accord? Et voilà. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Je passe ça totalement au hasard. Un jour, mon père me dit, on a Claude François. Un des préférés à Evelyne. Qui chante belle, belle, belle. Il parle je de qui? Je me sens vraiment privilégié. Il parle de toutes les femmes. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. C'est joyeux quand même. Hein? Ça, ouais, ça a son petit ketchup. N'est-ce pas? Puis là, tu vois, ça me fait tout de suite penser à quelque chose. À quelqu'un qui meurt en s'électrocutant dans son bain. Oui, parce qu'on se rappelle que c'est comme ça qu'il est mort. Pas tout à fait dans son bain, mais en tout cas dans sa salle de bain. Je me demande, il était quel numéro, François? Tu me sortiras sa date de fête. On le trouvera tantôt, on a une prise Internet à cette heure. Mais il y a Lilian Chute qui m'avait conseillé d'aller chercher le Naboo Twist de Claude François, qui était son seul, selon lui, son seul échec commercial. Oh! J'ai le goût de le mettre. Si déjà, l'expérience va bien. Il faut danser, ouais. Le Naboot Twist! On va comprendre pourquoi ça n'a pas pogné. Le Naboot, c'est la danse que vous appelez le twist. Le Naboot. Puis en plus, dans ce temps-là, c'était à ses tout débuts, en 1962, il y avait un pseudonyme, il s'appelait Coco, avec des K et des O accent circonflexe. Oh. Comment tu fais pour prononcer un O accent circonflexe? Le docteur m'a dit, quand j'ai posé la question, il n'y a rien de mieux c'est pour la c'est pas compliqué, là. Ah, Claude François ici, chanteur français, né le 1er février 1939. Ah. Il est né en Égypte. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'au début, il a commencé sa carrière avec une toune comme ça, un peu saveur exotique. Puis c'est pour ça aussi qu'il parle des lumières du port d'Alexandrie. Puis voilà. Tout s'explique. Hein? C'est assez beau. On essaie d'autres choses. Ici, on a Madame Saint-Onge. Ça, c'est particulièrement intolérant. La chanson s'appelle « Et maintenant ». Je vous l'avais dit. Elle a de la misère avec les voyelles explosives. Madame Saint-Onge, en fait, c'est pas de vraie cochonnerie. Ça a été fait par exprès pour être mauvais. Ah. Pour de vrai, c'est un pseudonyme. Je me rappelle plus de son vrai nom, ça m'échappe, mais c'est la mère de l'ancienne femme de Johnny Farago et donc la mère de Maxime Farago, qui était choriste pour Tony Roman à l'époque, puis à un moment donné, avait déconné en faisant semblant de chanter faux comme ça. Puis là, il s'était dit, ah, ça serait drôle, on devrait, il nous reste du temps de studio, on devrait enregistrer un faux disque, puis on ferait exprès, là, tu sais, de fausser comme des fous. Puis on enverrait ça à des producteurs à la blague en leur disant, regarde, qu'est-ce qu'on a trouvé. Puis, oh boy! Fait qu'il y a peut-être comme quelque chose comme 10-15 exemplaires de ce disque-là seulement qui existent dans le monde. Puis et sûrement que Jean trouve ça bon. Oui, sûrement, oui, c'est ça, lui trouvait tout bon la semaine passée. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Ah, la semaine passée, c'était très drôle. Chaque fois qu'il y avait une toune qui passait, Jean, il faisait « Ah, oh, mais c'est bon, ça! » Ben, c'était quand même accessible la semaine dernière, ouais. Le thème vacances. Mais donc ça, voilà, c'est la mère de Maxime Farago. Puis quand ça a été longtemps une espèce de mythe, cette affaire-là, parce que personne ne savait vraiment c'était qui. La légende s'était perdue. Puis là, il y a des gens qui avaient mis la main sur ces enregistrements-là, puis faisaient jouer ça, puis il y en a qui disaient « c'est une joke », il y en a d'autres qui disaient que c'était une vieille madame, que son mari avait beaucoup d'argent, puis que son rêve, c'était de faire un disque, puis qu'il avait payé un disque, même s'il était poche. Hey, finalement, c'est à sa mort que la véritable histoire était sortie, puis moi, j'en profite pour dire que je suis pas mal fier, parce que Maxime Farago m'a déjà envoyé un email à la mort de sa mère, me disant « je cherche ce disque-là, puis je l'ai pas ». puis là, moi, je l'ai envoyé. Oh, boy! J'étais très content. Il était supposé de me faire des jingles en échange, puis il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait? Ben, tu peux y réécrire. Ouais, réécrire. Ou ben, si tu écoutes, Maxime... Maxime, là, ça serait dû, là. Appel, là. Ouais. Ou Lilian, va le voir. C'est ouais. Ça. Mais il habite, je pense qu'il habite ici. Donc, on passe à d'autres choses. Hey, moi, je pense que celle-là, là, tu vas nous en parler vite fait de celle qui va jouer, puis on va l'écouter d'un bout à l'autre. OK, alors on a quoi, Jacques Boulanger, Ding à ligne. Alors, Jacques Boulanger, un ancien animateur de télé. J'ai déjà fait jouer le début de ça. Mon petit Boubou. Donc, sa mère l'appelait Boubou. T'étais outré, je m'en rappelle. Ouais, parce que sa mère l'appelait Boubou. Je me rappelle, je l'avais dans la tête le lendemain au travail, cette toune-là, d'ailleurs. Désolé. Bon, on va prendre une prochaine, d'abord. Non, mais on peut l'écouter au complet, ça va. OK, on y va. C'est Jacques Boulanger. On revient à 70%. Écoutez les cœurs, c'est bon. Chantez avec moi ce refrain. En grandissant, j'ai suivi ses conseils. Je suis devenu un rayon de soleil. Quand mes amis me demandent comment je fais, je leur dis de chanter, c'est là mon secret. J'espère que dans le futur, vous saurez prendre le temps de vivre et de chanter. Chantez avec moi ce refrain. Oh, chantez avec moi ce refrain. C'est pas plein temps qu'il y a de la place. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah, on a reconnu Homer qui remettait... Lord Huggington dans la poubelle. Il n'y avait plus de papa ours. Hey, c'est un remix de la trame sonore de Dick Dog qu'on est en train d'écouter là. Ah, Dick Dog. C'est Atari, ça. Là. Ben oui. Que de bons souvenirs. Les machines d'arcade, les vrais. Les vrais. Dans le temps que les jeux vidéo, c'était peur. C'était vrai, c'était décoré. C'était des pixels. C'est ça, parle-moi Bruno. Là. D'accord, il y a Nathalie Jasmer, un bébé de 2 ans, qui est si bonne à la cachette que sa famille a dû appeler la police afin de l'aider à la retrouver. C'est à ça que ça sert les GPS. Ouais. Alors, Nathalie est disparue mercredi dernier en jouant au jeu avec ses frères et sœurs. Les meilleurs efforts des voisins, de la famille et de la police et des pompiers ne furent pas assez pour retrouver l'enfant. Le calvaire des parents ayant duré plus d'une heure s'est finalement bien terminé quand le chien a retrouvé le bébé endormi dans le tiroir de la laveuse. Eh ben. C'est au tour du chien d'aller se cacher après. Aïe. Mais t'imagines les parents, là? Tu sais quoi, ils se sont donné une tape dans le front, ils ont fait « Oh, Souda, on s'excuse tout le monde. » Hey, puis ça, au mieux de pas les rappeler une autre fois, ils vont dire « Débrouillez-vous. » Probablement. Hey, ce jeune-là, hey, merci Bruno. Garde les autres pour plus tard. C'est, bon, ben, c'est ça, il me reste mon bloc chien là, pour la fin. Ah, bon, j'ai un bloc vois. Chien. Puis ça, c'était quand même un lien avec le bloc chien. Ouais, c'est ça, parce qu'il va avoir un chien qui va être disparu à un moment donné. Ouais. Est-ce que c'est un bébé qui le retrouve? Penché ouais. dans le tiroir de la sécheuse. Il y a un twist à la fin. Restez pour le bloc chien. Oui. Tous ceux qui voulaient arrêter d'écouter, là, hein, vous êtes pognés pour rester. c'est tout. C'est sûr, ils ne peuvent pas avancer le fichier MP3 vers la fin. Non, ben, ceux qui l'écoutent live, hein, en tout cas. Ouais. Comme Predge. Ouais, ouais Predge. Écoute, sûr. Il nous a sauvés. Il y a un bloc chien qui s'en vient, Predge. Hey, Total Force, cible primaire. 1997, réalisé par, je m'en rappelle plus, là. Je checkerai ça tantôt. C'est du Vidéoville, en tout cas. Ah. Mais sinon, 1997, là, c'est relever le défi dans son prime time. C'est pas encore Napster, c'est 2 ans avant Napster, mais c'est quand même Star Fox et Ocarina of Time au N64. Ah tiens, ça sonne encore. Oh, on n'arrête pas d'être dérangé. Ouais, je me demande c'est qui. Fred. Oh, ouais, c'est oui, bonjour. Oui, salut, c'est encore Fred. Ben ouais, pour vrai. Ben oui, hey, premièrement, je voudrais vous dire à quel point je voudrais vous féliciter pour votre beau travail sur le réglage du volume. Ça, merci. Ben, c'est bien réagi à ton goût. Ben oui, c'est le travail de chef. Puis DJ Georges sera toujours mon héros. Ah, ça fait plaisir. Et hey, puis moi... Good c'est, job. C'est quand même... J'adore le bloc chien. Oui, le bloc chien. Tu vas voir, tu vas changer d'héros. Bon, ah oui, c'est ça. Non, il est tellement plus... Ben là, c'est assez impressionnant, l'autre là, qui joue à cachette qu'on ne retrouve plus, mais quand même, je suis sûr qu'il peut encore m'impressionner. On y croit. Inquiète-toi pas. C'est quel numéro de téléphone t'as fait pour nous appeler, toi? Ben, j'ai appelé SPCA, puis ils m'ont redirigé. Donc, appelez la SPCA et demandez 70%. C'est le 987-3000, 987-3000, code 1610. Poste 1610. Hey, là, Fred, je lâche les ondes, il y a plein de monde qui veulent appeler, les lignes sont pleines, on a des t-shirts. Oui, ben oui, qu'est-ce que je fais là? Oui, on t'envoie ta Sentra de Nissan. À tantôt. Bon, il est parti. Ah, il est déjà parti. Bon, ben, tu vois. On va continuer en marge de cette émission de radio, ma foi, fort relax. Hein? Ça va bien. Ça va, c'est bien. Oui, ouais, 1997, c'est relevé le défi dans son prime. C'est pas encore Napster. C'est Star Fox et Ocarina of Time. Puis j'avais pas encore baisé à cette année-là, moi. Et puis j'en étais à mes premiers joints. À 1997, ça fait pas mal longtemps. Mais en même temps, pas tant que ça. À 1997, ça nous ressemble un peu. Et on s'en souvient. Mais en même temps... pas tant que ça. Après Vidéoville, qui était alors rendu en 1997 à sa deuxième évolution de Vidéoville Showtime Mon, a trouvé pertinent de nous pondre 2 films en total déphasement avec la réalité de l'époque. Total Force, suivi ensuite la même année de Absolute Force, sont respectivement les premiers et deuxièmes volets d'une saga moderne opposant un nombre considérable de cas différents, tous plus importants les uns que les autres. Ah, je l'aime, cette tournure de phrase-là que je viens d'inventer, eh ben. Ça a bien c'est sorti. Beau. Mm-hmm. Ah ouais. La trame se veut dans la veine de celle de Jack Ryan, le personnage de roman édulcoré de James Bond, diplomate, incarné pour la première fois à l'écran d'argent par Harrison Ford en 92 dans Patriot Games, puis dans Clear and Present Danger en 94. Mais avant, par Alec Baldwin dans Hunt for Red October. Ah ouais? Ouais. Et voilà dans ma face. Et puis ensuite, il y a eu Ben Affleck. Il y a eu Ben Affleck dans The Sum of All Fears. La somme de toutes les peurs. Toutes les peurs. Toutes. Toutes. Tout. C'était du nucléaire finalement. Ouais, c'est ça. Il est où Satan? Ah, oh, il vit dedans. Donc, non. En fait, Harrison Ford célèbre justement aujourd'hui son anniversaire. Coïncidence? Prédestin? Non. C'est seulement que j'ai agencé des éléments tous plus épars les uns que les autres jusqu'à ce que je trouve un lien facile qui fasse vibrer les glandes des crédules. Pour en revenir au cinéma du film audiovisuel que nous allons visionner ce soir en projection, Total Force, parce que c'est le premier volet qu'on va encaisser ce soir, est un long métrage considéré dans la période néo-nouvelle par nous. La période néo-nouvelle, là, c'est que tout ce qui fut distribué en 96 et ensuite appartient à cette catégorie. Parce que c'est en 1996, tourné en 97, en fait en Noël 96, que le DVD est devenu le format standard de diffusion, reléguant le VHS dans les boîtes poussiéreuses des clubs vidéo, dans les salons de ceux de douteux.org et autres marchés aux puces. 1997, c'est également l'année de l'essor de Blockbuster en Amérique du Nord. Phénomène que je considère comme le plus grand culturicide depuis que les conquistadors ont décidé de mettre le feu aux bibliothèques de leur nouveau monde. C'est leur nouveau monde à nous autres. On a du gunpowder, on met le feu où on veut. C'est de même que ça marchait. Et puis, ben, Blockbuster, on pourrait développer un petit peu plus tantôt avec notre invité Chamartin, mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça n'a pas été la meilleure chose qui est arrivée à la production underground. Sinon, jusqu'en mai passé, c'était Sale Commando ou Soldier Boys de Michael Dudikoff qui régnait sur le titre intercontinental néo-douteux le plus profond les uns que les autres. challengé souvent au fil des années par des titans comme Roger Normandin, Simon Boisvert, Drive avec Marc Dacascos, Simon Says avec l'autre grande affaire, Crank 2, aussi connu sous le nom de Transporteur 9, la trilogie du Saint sportif que j'adore, Pimpon le film, Nitro et bien sûr The Room, celui que, pour lequel vous n'avez pas voté, pour ne nommer qu'eux. Il s'en sortit toujours vainqueur, rarement sans difficulté, souvent par abandon, quelquefois par abandon de décision de la part des juges. Depuis la découverte de Total Force, cible primaire, le vieux champion qu'est Sal Commando ou Soldier Boys fait face, pour la première fois, à un challenger qui part favori. C'est ça qu'on va écouter ce soir. C'est pas n'importe quoi. Première séquence du film, c'est bien important qu'il y ait quelqu'un qui t'explique tout ce qui est en train de se passer sans que t'aies besoin de te forcer. Ça s'appelle de la grande scénarisation. C'est un bruit d'explosion. On est dans l'espace, hein? Le Bureau du développement stratégique pour les services militaires vient de conclure dans son étude sur l'évaluation des risques d'irradiation que les armes nucléaires sont à réviser. Les dégâts causés par les systèmes d'armes conventionnelles auprès de la population civile sont de moins en moins tolérés par l'opinion publique. Ces deux facteurs entraînent la nécessité d'une pensée radicalement nouvelle concernant les futures opérations militaires ainsi que le développement des systèmes d'armes. Sous les hautes directives du commandant en chef des services techniques d'espionnage, les recherches sur la nouvelle génération du hardware basé sur orbite terrestre basse ont commencé. Quelle caillerie. 26 février. Je suis vraiment ravi de vous voir. Le docteur Edmond Wellington a convoqué les hauts responsables du complexe industriel militaire pour une inquiétante démonstration de l'aboutissement des essais du nouveau système d'armes. Pourrait-on commencer, s'il vous plaît ? Je vais avertir le projectionniste, monsieur. Eh bien, mesdames, messieurs, allons-y. Je tiens à vous remercier de vous être déplacé jusqu'à notre humble petite demeure. Aujourd'hui est un grand jour pour Wellington International. C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter celui qui est l'objet de cette réunion. Mon patron, dont le nom n'est plus inconnu pour ceux qui travaillent pour la recherche et le développement scientifique des armes défensives. Pour la première fois parmi nous, mesdames et messieurs, le docteur Edmond Wellington. Et son bœuf. Sa trame sonore. Oui, c'est impressionnant. Merci, merci. Amiral Denton, chers invités et chers et collègues l'amiral de la famille de Wellington, nos scientifiques vous souhaitent à tous la bienvenue dans une nouvelle ère. Le futur est désormais accessible. Voilà, ça commence là. Sous forme du neurolateur qu'on peut à juste titre considérer comme la plus grande découverte le en armes. Le neurolateur. Ça sert à quoi? Ça sert à latter les neurones. Dès le début des essais du neurolateur, nous avons tous réalisé que l'issue d'une guerre menée de façon conventionnelle ne reposait plus uniquement sur des armes nucléaires classiques. Classique. Ça m'a dit classique. C'est le plus mauvais doublage que j'ai vu. D'où l'idée d'attaquer directement le cerveau de nos ennemis. Ah, voyons. Oh. Voilà, ils vont leur latter les neurones. Directement. Quel est le plus grand avantage que l'adversaire possède? Son matériel lourd. Là, il y a des jets pour illustrer le propos de matériel lourd. Ouais. Non. Non. L'informatique? Non, on va voir des ordinateurs. Oui. Les Vic 20? Non. Ce sont les hommes. Le manpower. Ouais. Les ressources humaines. Ben oui. Ah, le stock footage. Devinez la suite. Images du débarquement de Normandie. Il faut s'attaquer à cet avantage en le transformant en faiblesse. Si nous parvenons à réussir ce challenge en sauvegardant nos hommes... Ce challenge? La victoire nous est assurée. Ben, notre oui. équipe de chercheurs. Fait que dans le fond, ce qu'il dit, c'est si on tue tous les hommes de l'autre bord. C'est pas grave si on des jets. C'est ça qu'il dit. C'est pas grave si on des jets. On n'avait jamais pensé à ça. Si on personne pour conduire les jets. Activité cérébrale, nous connaissons tous ces mots-clés. Mais est-ce que ça fonctionne? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Sure, il y a environ deux mois, nous avons lancé le neurolateur à bord du satellite 4471. Si vous avez des questions, lui a des réponses. Et je suis ravi de pouvoir vous annoncer que le neurolateur a passé tous nos tests préliminaires haut la main. Ok, fait que le neurolateur, c'est dans l'espace. Vous allez assister maintenant ouais. à une neurolate de là. La démonstration ouais. du fonctionnement du neurolateur ouais. sur un cobaye humain. Tadam! Ils vont pas faire ça pour comme vous pouvez le constater, ceci est un cobaye humain. Le cobaye est un humain. Est très docile et complètement soumis. Voyez comme il est craintif. Il a peur d'un gars en blouse blanche avec des lunettes. Les impulsions agressives qu'il a pu avoir par le passé sont complètement annihilées. Grâce au SPG, ou système de positionnement global, nous pouvons repérer aisément notre... Oh. On est appelé le GPS. Ouais. La précision de focalisation se joue au millimètre près. Oh, GPS. Hot. Vous pouvez commencer le test. Neurolateur, nous démarrons la séquence. Neurolateur, nous démarrons la séquence. Et voilà, c'est la fin du premier extrait. On va y revenir tantôt exactement là pour voir comment le test se passe. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Regarde, on est plein de teasers aujourd'hui. J'en suis tout fébrile. Ben oui, il va y avoir le chien, il va y avoir le neurolateur. En attendant, Pierre Chamartin, moi je prétends que, comme j'ai dit tantôt, là, Blockbuster, c'est probablement la chose qui a tué le plus de productions underground ou de tentatives de diffusion depuis nulle part, mettons. Disons que récemment, en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de blockbusters qui pillent complètement le domaine underground. J'ai vu que très récemment, on va sortir un film, une production américaine, mais un film norvégien, c'est un film de zombies nazis. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc là, très clairement. Oui, tu penses à Fantasia. Je pense qu'ils vont. Exactement. Ouais. Ouais. Mais très clairement, je pense que les grosses productions vont chercher du côté de l'underground. Depuis quelques années, enfin, toutes ces films d'horreur qui sont des films gore en fait, qui sont produits mais vraiment à grand frais. Moi, ouais, c'est vrai. Hein. Non, mais Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Le remake qui était refait, puis c'est effectivement très mauvais, quoi. Mais je suis allé le voir, hein, cela dit. Et puis c'était effectivement très très mauvais. Puis c'est plaisant parce que entre autres, c'est mauvais, mais c'est vraiment très mauvais. Mais, je sais pas si ça a vraiment tué une certaine industrie underground, enfin une industrie qui était indépendante, qui était déjà, autant que je sache, subclaquante dans les années 80-90. Mm-hmm. C'est très, très clairement, enfin, ce qui tue le petit cinéma indépendant un petit peu différent, je pense que c'est plutôt les grandes salles de distribution, les blockbusters. En fait, ils sont là parce que les gens sont très paresseux, puis surtout les distributeurs sont très paresseux, ils veulent pas prendre de risques, donc ils montent de la merde parce que... Oui, oui, en quantité à part de ça, c'est eux autres qui ont inventé le phénomène de mettre 47 copies de la même nouveauté parce que le monde, il n'y avait pas le choix de l'avoir. Je crois que ça a commencé avec Jaws, d'ailleurs, dans les années 70. Là, avec le mot blockbuster vient de Jaws, ça vient de là parce que le monde, en faisant la file au cinéma... Il prenait tellement de place que ça dépassait le coin du bloc. Ça bustait le bloc. Oh! Wow! Tu m'apprends quelque chose? Et puis en plus, j'en ai un autre sur Massacre à la tronçonneuse, le nouveau film qu'ils ont fait. Mm-hmm. En 3 jours, ça a gagné plus d'argent que l'original depuis qu'il est sorti. Parle-moi de phénomène de publicisation. Oui, marketing, c'est important. Ouais. Et puis, est-ce que tu as un film préféré, Pierre? Tu veux dire un blockbuster ou... Bon, n'importe quoi. Si je te dis, fais-moi écouter un film, là, c'est quoi que tu vas répondre? Je te dirais que mon film préféré de tous les temps, et je crois que c'est le meilleur film de toute l'histoire de l'univers intersidéral, c'est de très loin le Grand Détournement, donc la classe américaine. Oh, ben oui, puis t'en as amené des extraits. Qu'on peut regarder, si vous voulez, si on a le temps, de Dominique Messerette Michel Savanicius. Ben, certain. DJ Georges, tu vas nous partir ça au bout où M. Chamartin a décidé. Oui, je pense ça à l'instant. Le grand détournement, ben, peut-être on peut en parler un petit peu avant. Ben, c'est un film bizarre. C'est un film de montage produit accidentellement par Canal+, la chaîne privée française, qui, à l'époque, avait racheté les droits, en fait, de Warner, donc qui formait un gros conglomérat avec d'autres entreprises. Et ils ont eu accès, en fait, aux archives de la Warner, entre autres. Et donc, ils ont demandé à ces deux monteurs, donc ils étaient monteurs pour la chaîne, de faire un film de montage, mais pour un film d'anthologie sur la grandeur de la firme Warner, les grands films de la Warner. Et donc la production n'a absolument pas, c'est pas absolument pas préoccupé de ce que les deux monteurs allaient faire. Les deux monteurs ont fait un produit absolument génial, en fait. Donc ils se sont servis de tous ces films de la Warner pour faire un film qui plagie Citizen Kane, et puis qui en plus pirate donc de grands films de la Warner, mais tout en ne rien faisant, parce qu'en fait ils se sont servis de ces bandes et ils ont doublé, en fait, avec de grands doubleurs, des comédiens français, donc doublé les voix, et donc refait un scénario et donc évidemment le film a été diffusé le 31 décembre 1993, je crois. Okay. Et il n'a jamais été rediffusé à la télé. Oh boy, hein. Oui, alors donc si, la Warner n'a pas aimé ça, c'est ça, ça veut dire? Bah non, la Warner, non, c'est pas qu'elle n'a même pas aimé ça, je crois que la Warner n'a même pas été au courant. Canal+, par contre, a eu peur et puis a tout de suite retiré, oui, le film. Okay. Parce que c'est totalement ridicule, ça, c'est pas un hymne à la grandeur. Ah non, absolument pas. Donc on peut se le procurer dans l'internet, mais enfin, télécharger illégalement un film qui est illégal, je sais pas. C'est ce que ça s'annule. C'est de la méta-illégalité. Donc, on écoute un bout du grand détournement. C'est la suggestion de Pierre Chamartin. Ok, j'arrive, Vélouz. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, Habit Paul. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise pas les ménagères, non? C'est pas vrai? Écoute-moi bien mon petit José, tu baises les ménagères bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Et je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à l'Aïa, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been. Oh la vache! Moi, j'ai l'air has-been, j'en ai pour plus d'une barre de fang sur moi. Alors va te faire mettre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Bien, considère qu'on n'est plus amis, Habit Paul. Alors là, on voyait John Wayne avec Burt Lancaster. Donc ce sont deux films complètement différents, mais... par un effet de champ contre champ, en fait, on a l'impression que c'est la même séquence. Les dialogues sont bien entendu complètement refaits. Et non seulement ils sont refaits, mais en fait, ils sont extrêmement injurieux. Quoi. Donc je suis sûr, persuadé que la veuve de John Wayne n'aurait jamais toléré une chose pareille. Ouais. Bon. C'est beau aussi, ils ont vraiment bien les intonations. Je veux dire, on peut presque lire le français sur les lèvres des personnes qui parlent anglais. Les doubleurs, c'était des pros. Hein. C'était je crois que c'était le doubleur officiel attitré de John Wayne. Oh boy! Non, c'est ça, c'est que les deux monteurs ont fait vraiment un beau travail. Ah ben oui, mais... Donc ce film est effectivement, je crois, sans rigoler, en fait, mon film préféré, peut-être. Ben voilà. c'est en plus, c'est un propos, c'est pas juste un film, il y a tout un univers autour. Ah oui, c'est de redonner le pouvoir aux personnes qui s'occupent de faire qu'on a des affaires à regarder des fois, peut-être. Mm-hmm. Ah ben merci beaucoup! Clayton Savage, essayez donc de taper son nom sur Internet dans Google Pix. Vous allez voir, il y a un beau collier à chien. On prépare le spécial chien, on va écouter sa chanson Still Your Man, comme dans You're Still Your Man. Puis en revenant, ben, on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur votre animateur préféré. Oui. Qui est tellement meilleur que Bruno Corbin. C'est ce qu'on va voir. C'est qui? It's on, man. It's on. Put my gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Devant le générisme accablant de la chanson de Clayton Savage, Steal Your Man, je vais être obligé de comme l'arrêter, puis de poursuivre avec ici un petit extrait de La Quatrième Dimension avec Roger Normandin, puis on va venir parler avec Evelyne 336. Vous aussi, craton d'amour, là. Oui. C'est que depuis que c'est La Quatrième Dimension, j'ai juste le goût d'être un justicier et de faire régner la justice en toute légalité. Quoi? Un vrai justicier? Mais oui! Ah oui? Oui! Fait que maintenant, quand on amour, pas que ça t'en passera, mais moi j'aurais le goût qu'on irait fêter ça. Ça te tenterait-tu qu'on irait faire un tour à l'exposition de Trois-Rivières? Oui! Oui! On y va, sapristi, à l'exposition de Trois-Rivières. Tout le monde à Trois-Rivières. C'est où qu'on s'en va, ça va à l'exposition de Trois-Rivières. Moi, j'ai gagné le pouvoir de voyager dans le temps puis de lire dans la tête du monde. Dans la pensée du monde puis de voyager dans l'espace comme je veux, dans la quatrième dimension. Je pense que je vais aller à l'exposition agricole de Trois-Rivières. C'est sûr. Ben là. Des rivières là-bas, il y en a combien? Il y en a une. Il y en a trois. Il y en a une. Dans le mot. Mais là, il y en a trois. Il y en a puis trois. Là, ben oui, mais il y en a... Non. Trois. Oui, il y a trois. Une rivière à Trois-Rivières. Arrêtez, hostie. Voulez-vous m'ostiner? Oh, oui, c'est vrai. Il vient de là, en plus. Ah, il est fatiguant. Il y a une rivière, moi, c'est mais elle est séparée par deux îles. Puis quand ils sont arrivés, ils pensaient qu'il y avait trois rivières. Fait que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça de même. Mais il y a une rivière, puis c'est le Saint-Maurice. Ça empêchera pas que les gens de Trois-Rivières, c'est les seuls envers qui j'ai un préjugé. Hein? Fait que s'il y en a qui nous écoutent, là, ouais, j'ai des preuves à faire. Comme moi en ce moment. Voilà. On en avait déjà parlé. Oh, ouais. Ouais. Ben, c'est mais pour ça, donc, les frictions, c'est ça. Hein, ça, ouais. Ouais, ça, ouais. Oui, ça on le sent. Hein. Ah ouais, moi je suis vraiment fâchée. Là. Donc 3 plus 3, ça fait combien? Ça fait 6? Non. non, pas. Parce qu'il y avait deux barres dans le 0, puis tu pensais que c'était un 3. C'en est trop, je quitte le studio. Pas vrai, je suis encore 3-3-6, ça fait Tommy ouais. Godette. Ben Tommy, oui. On parle de toi, donc on va commencer. 6. Les 6 font les pires perfectionnistes et les meilleurs juges. Ouais. Hein? C'est drôle comme ça. Je vais commencer comme ça. C'est vrai quand même que beaucoup de gens se fient sur le jugement de Tommy avant, de, moi, hein, tout le temps. Avant d'exprimer leur propre réaction. Quoi que ce soit. On voit ça souvent. Ouais. Hein? Ouais, ouais. Moi, j'ai commencé à jouer à Magic. Hein? Mais dans la numérologie de Tommy cette semaine, c'est tout est vrai. on va partir de là, là tout est vrai. Ben, c'est hein? tout moi, le temps c'est ça. Des... Ouais, c'est ça, mais surtout, je veux dire, vous, je vous connais moins, là, les autres, de qui j'ai fait la numérologie, je partage moins ça. Votre quotidien. Parce donc, Tommy, moi, je peux vous le dire, c'est vrai. Fait qu'en partant de là, hein, ouais, là, on le sait. Sait. On ouais, le sait. C'est bon. Parce que tu le connais. Par exemple, ce que moi, je savais pas. Pour ceux qui le savent pas, là, Tommy, il a fréquente. Ouais. Dans la tête. Dans la tête. Pour ceux qui ne savaient pas. Si vous avez des questions, appelez-nous. Maintenant. Le fait de 7-3 000 ou pas. Ça va déjà être trop long, mon affaire. Là. Donnez-moi une chance. Pas grave, ça alors, va. Pour ceux qui se trouvent sur le chemin du 33-6, comme Tommy Godette, ainsi que d'autres hein, qu'on le sait pas, là, additionnez votre chiffre de naissance. C'est le 33-6. Sentez-vous visé. D'où tu prends ça déjà? C'est genre, moi, je suis né le 3 mars 1978. 23 mars, oui. Attention. Fait que tu fais 23 ouais. plus non, 3. Non, tu fais 2 plus 3 plus 3 plus 1 plus 9 plus 7 plus 8. Tous les numéros séparément. Ça donne 33. Ça vous donne normalement 33. Un beau chiffre à deux chiffres. Vous voilà. Additionnez les deux chiffres. Ça vous donne deuxième. Le chiffre. Voilà. Mais... comme moi qui est 36-9, je suis pas pareil vraiment qu'Étienne Forêt qui est un 27-9. C'est ça. Hein, on a des points communs du 9, mais on a nos influences respectives. Okay. Ouais. C'est comme le l'ascendant là, dans le signe astrologique. C'est ça. Ça permet de faire des nuances. Voilà. Hein, là, je suis toute mêlée. fait que, donc, oui, c'est ça, Tommy. C'est toi, là. Au fait. Hein? Ouais. À ce qui est écrit. Bon, mais ben, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Ah oui, ah oui. Apprends-en sur moi. Fait que vous êtes, oui, vous êtes les 33-6 sur ce chemin pour vous poser des questions et résoudre ces mêmes questions qui touchent au perfectionnisme, à l'expression des émotions et au doute oh. de soi. Oh! Attention, hein? Ah, on aime ça. Je vous l'avais dit que c'était vrai, ça part le bien. Le doute, poser des questions. Alors, tout ça afin de pouvoir manifester votre vision des plus hautes possibilités de la vie tout en appréciant la perfection inhérente au moment présent. C'est super beau, ce qui vient d'être dit. Oui, c'est fou. Ici, on dit qu'ils ont tendance à s'exprimer dans le négatif, parfois, les 33-6, en soit par des plaintes, des critiques, ouais. hein, des jugements ou des injures. Un comme chialant, finalement. « Ferme ta gueule », comme « Qu'est-ce que c'est ça, Kérit de... » Ouais, je me reconnais. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ça va pas être facile tout le bien temps. Bien sûr, c'est ça, cela a vite fait de se retourner contre eux-mêmes, les 33-6, et ouais. puis parfois ils s'en rendent compte, parfois pas. Ce qu'on vous conseille ici, c'est que si vous êtes tenté de vous plaindre, de juger, de condamner, et ça d'une façon générale dans le négatif, il est bon de savoir qu'il est possible d'exprimer honnêtement les mêmes idées d'une façon positive. Uh-huh. En parlant au jeu, ah, moi, je grandis. Dans la phrase qui suit directement, on répète qu'il est très important que les 33-6 ou quiconque travaille le 3, parce que ça, c'est un défaut du 3 et non du 6, mais vu que le 3 est double... Ah oui, il est fort dans le 6. 3, là. Voilà. Ah oui, 3 rivières. Il faut qu'il est très important que les 33-6 comprennent que tout ce qu'ils expriment dans le négatif, ils pourraient tout aussi bien l'exprimer dans le positif. C'est ça. Ils viennent de le dire deux fois. Deux fois. C'est magnifique. Parce qu'il y a deux fois le chiffre 3. C'est bon. Ouais. C'est sûr clair. Que ça rapporte, ouais. Fait que par exemple, là, au lieu de dire « qu'est-ce que tu fais là, crise de folle », tu pourrais dire « mais... » « qu'est-ce que je fais devant ta toi? » Ta présence ne semble pas opportune. C'est ça. Ouais, c'est ça. On parle encore ici de l'influence du double 3. Sous cette influence double, les 3-3-6 ont une double dose de doute oh. de soi. Oh, encore hein? du doute. C'est fou. Ils peuvent par contre contrebalancer leur tendance perfectionniste en se rappelant que le maître universel fait de tout événement une parfaite occasion d'apprendre. Je trouve ça beau. Moi, je trouve que c'est un concept qui est quand même le 33-6 présent, bien intégré. Ouais. Le doute de soi et le perfectionnisme sont les deux plus grands obstacles auxquels les 33-6... On parle toujours du doute. J'arrête pas de douter de moi. Ouais. C'est ça. Tout le temps. Voilà. Et s'ils succombent au doute, ils peuvent se retirer de la partie, jouer sans conviction ou bien même carrément abandonner. Ça serait terrible. S'ils demeurent dans la partie, par contre, ils finissent par y exceller. Bon, tu vois? Car ils sont intelligents, sensibles et intuitifs de nature. Toutes. Mais toutes. Non, moi, j'apporterais une nuance à ça, par exemple. Vas-y, pour dire. Pas Dan Millman, tu me connais moins. Ah, c'est vrai. Pas le droit. Non, mais lui, c'est quand même un 29-11, là, hein, avec sa double force du 1, là, ouais. On sait pas, là, son charisme Paul et son champ énergétique doublement plus puissant. Moi, ça me fait peur. Ouais, moi aussi. Alors ici, moi, j'aimerais ça qu'on parle de la santé des 33-6 ben parce oui. que vraiment, il y a des informations très intéressantes. La source d'énergie des 33-6, c'est la cause. La cause? Oui, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est la cause, l'idée ou l'idéal qui les inspire. C'est la cause c'est qui fou. Les inspire. Hein? C'est contrairement fou, hein? aux autres personnes. Que c'est la coke. On salue les toxicomanes. Voilà, comme Bruno ouais, qui est polytoxicoman. Ouais, je suis multitoxicoman. Et Paul Sarrazin. Comme oui. Paul Sarrazin. On vous salue. Non, mais c'est la cause qui les garde en vie. Oui, c'est écrit. La source d'énergie des 33-6, c'est la cause qui les inspire. Ben, ils ont raison. Ben, voilà. c'est ça, je vous disais, c'est vrai. Ça marche. Oui, oui. On dit aussi que lorsqu'ils sont nerveux, ils peuvent avoir des papillons dans l'estomac. Oh, ce qui arrive à personne d'autre. Contrairement, là, vraiment à... Tout le monde qui est nerveux. Tous les Paul Sarrazin de ce monde. Moi, par exemple, qui est 29-11... Donc, toi, moi, je m'en rappelle de ce quand t'es nerveux, tu devenais endormi. De toi, c'était une tension au niveau du plexus solaire. Oui, c'est ça. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir avec la région de l'estomac. Tout. Non. Puis, ouais, je me rappelle. T'avais de la difficulté à dormir sous le stress aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est quand j'étais stressé, quand je suis stressé, moi, ou excité, toi, t'as de la misère à dormir. Plus de difficultés à dormir. Que la moyenne des gens. T'as besoin de moins de sommeil que la moyenne. Mon Dieu, je me rappelle donc bien. Ouais, ça m'a vraiment marqué. Et peur à main. Il y a une carrière qui t'attend là-dedans, je pense. Tout c'est fait. 1-976, Evelyne. Autre information pertinente. tous les 33-6, mais surtout... J'adore ces phrases-là, moi. Tous les 33-6, mais surtout ceux qui semblent les plus cool et décontractés. Comme Tommy, je dirais. Et plus sûrs d'eux-mêmes. Ceux qui semblent. Ouais. Peuvent souffrir d'arthrite dans leur vieillesse. C'est vrai. Fait que plus t'es cool, plus t'as d'arthrite. Plus t'es cool et sûr de toi, Tommy. Je veux dire, c'est ça, on est pour vieillir ensemble. J'aimerais ça que t'arrêtes. Ah ouais, à ta place, je commencerais à être plus self-conscious. C'est ouais. ça. On dit ici que c'est comme là, si toute la colère et les émotions là, bloquées, ravalées ou refoulées... se cristallise dans les articulations. Oui, okay. C'est ça qui se passe en cas d'arthrite. C'est comme ça que ça marche. Je vais y aller vite, là. Votre santé peut s'améliorer grandement une fois que les 33-6, entre parenthèses, mais cela est aussi vrai pour tout le monde. Ah, OK. Je ne s'en cache pas cette fois-là. Ouais, on va recommencer à écouter un peu. Une fois que vous apprenez à vous relaxer, à suivre le courant, mais là, si vous relaxez trop, vous allez faire de l'arthrite dans votre vieillesse. Fait que là, il y a comme le retour. Ouais, faut pas choisir trop cool pas facile. Pour pas trop cristalliser. C'est ça. Ouais. C'est la ligne. Si la ligne garder un équilibre. Un bon équilibre entre être cool puis être vraiment vraiment stressé. Là. C'est ça. Ouais. Ouais. Ou se servir de la tête de quelqu'un d'autre. Ouais. sortir les émotions qui, voilà. comme ça, évitent de se cristalliser dans les voilà. articulations. Voilà. Ah, c'est des émotions qui sortent dans ce temps-là. Oui, jusqu'à l'âme. C'est la colère, surtout. on dit ici, alors okay. le conseil alimentaire cocasse de la semaine, c'est les 33-6, mangez ce que vous aimez et aimez ce que vous mangez. Et voilà. Hein? Il ne parle pas de jambon. Alors, il ne parle pas de à quelques fois, quelques occasions, de la volaille ou du poisson comme Bruno avec non. des grains et des trucs ouais, protéinés. Bruno, non. Hein? Aime ce que tu manges et ouais. ce que tu manges, c'est t'aimeras. Ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. À cause de l'énergie du 3, encore une fois, l'émotion joue un rôle important dans tout ce qu'ils font. Ah, oh, hein? ben, tab! Ouais. C'est ça, hein? C'est tellement moi! Oui, alors, c'est ça. On parle ici, là, j'ai comme... Il y a plusieurs choses qui sont vraies aussi. Là, on parle que hein, vous aimez donc faire des arts martiaux. Par rapport à ça, Dan Millman lui-même dit que 5 des plus grands athlètes en arts martiaux qu'il a connus, sur 5, 3 travaillaient le 33-6. Puis il était 3. Tu vois que son cul est prolifique pour sortir autant d'informations. Ouais. Ouais. Tu vois que c'est crédible. Oui, puis est-ce qu'il est nomme, ces experts en arts martiaux? Malheureusement. Non, mais il les connaît, en tout cas. C'est ça, il les connaît. On dit aussi que les 33-6 font des écrivains prolifiques. Font de l'asthme aussi, comme ça. Hey, c'est moi! Tu peux faire soit un écrivain ou de l'asthme, tu sais, c'est à ton choix. On dit que il se peut que, tu sais, mais c'est pas sûr encore là. Il se peut que vous ayez du mal à vous relaxer, à se laisser aller avec abandon, comme ça, à moins, bien sûr... D'avoir envie de cristalliser. Non, ça, j'adore ça. Dans mes articulations. Je la répète au complet, là. Il se peut que les 33-6 aient du mal à se relaxer, à se laisser aller avec abandon et passion. Ouvrez la parenthèse. À moins, bien sûr, que ce ne soit des acteurs chevronnés. Comme Robert De Niro et Meryl Streep. Ouais, OK, eux, ils peuvent. Fermer la parenthèse. Oh! Eux, c'est des exceptions. Mais c'est des 33-6. Moi, je suis comme Robert De Niro. Voilà, on va revenir tantôt. Ici, on dit Plus comme Meryl Streep. C'est vrai qu'il y a des airs, hein? Ouais. Ça doit être les yeux bleus. Ah, les pommettes, c'est ça, les pommettes, c'est les petits yeux bleus, là, hein, taquin. Moi, je les confonds sans arrêt tout le temps. C'est ça, ouais, moi, des fois, en plein milieu, je suis comme, bon Dieu, c'est pas Meryl Streep. C'est ce qu'elle fait, ça. Hallucinant. S'ils ne laissent pas le doute les arrêter, les 33-6 font un excellent travail. Hein? Bon, voilà. Continue comme ça, Tommy. On est fiers de toi. Ben, oui. Merci. Hein? Laisse merci. Pas le doute t'arrêter. Ouais. Au contraire, hein? Serre-toi-en pour hein, continuer. Aller plus loin. Bon chemin de vie à moi. On dit que lorsqu'ils ont appris à se connaître, ils réussissent aussi à exprimer leur joie de vivre. Bon, tu vois, il y a moyen d'être positif. Il y a plein de positifs là-dedans. Puis moi, je trouvais que Tommy, il était rendu... Tu sais, quand même, il intégrait bien ces concepts-là. Rendu là, moi, Tommy, je te dirais, change de numéro. Moi, ouais, ben c'est ça, je pensais aller 44-8. C'est ça, hein? Ouais, un autre... Que tu naisses à une autre date. Question d'avoir autre chose à travailler, là, parce que là, c'est plate. Alors, quelques 33-6 célèbres, outre Robert De Niro et Meryl Streep, Steven Spielberg, Stephen King... Oh. Agatha Christie, Fred Astaire et le non moins Albert Einstein. Oh, oh ouais. Ça craint pas de niaisage. Voilà. C'est quoi le lien entre Fred Astaire et puis Stephen King? Ben, leur date de naissance. La somme de leur date de vie. Ouais. Oh mon Dieu, je viens de lire quelque chose d'autre là. Sexuellement, plusieurs 33-6 sont réservés et complexés. Ah. Dans le positif, ils ont des réactions. Ils ont des relations sexuelles ou autres riches et équilibrées. Ah, fait que ça, encore fait une fois, quand on sent pas bien... Puis il y en a que ça va bien. C'est ça. C'est ça qui est cool des autres. Ouais. Fait que non, vraiment, là, pour plein d'autres là, informations sur vous-même, là, qui... Alors, votre chemin de vie aux éditions du Roseau, écrit par Dan Millman, l'auteur de La Voix du guerrier pacifique. Oui, méthode hein, qui vient de la Grèce antique. Ouais. Chacun y trouvera son chemin de vie. Mais qui a amélioré, par exemple, ouais. Si je me souviens bien. Parce que là, ouais. Vraiment, il l'a fait pareil, mais mieux. Mais mieux. Exactement. Parce oui, c'est vraiment antique, ça qu'il dit, là. Qu'il humblement prétend. Parce qu'en Grèce antique, comment ça marchait quand tu étais dans des dates des années négatives? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Ouais, c'est ça. Quand tu étais en moins 50. Oui, c'est que tu faisais des soustractions. C'est basé sur quel calendrier? Oui. Ouais. Grec antique. Hein? Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'en reparlerai plus. L'important, c'est d'avoir un cul magique qui te sort les informations pertinentes pour pouvoir écrire des livres qui ont l'épaisseur d'à peu près ton poing fermé. Ben oui, ouais. Et qui sont des champions mondiaux de trampoline. Et voilà, le livre coûte à peine 35$. On s'explique de je mieux en mieux. Je demanderai à ma mère à l'acheter en double. Diane, si tu nous écoutes. Appelle-nous pour nous dire pourquoi. 3000, ouais, poste le tien, on n'en a plus de besoin, fait qu'on va le vendre. Bon, ben. On va le donner au prochain appel. Et voilà. Sinon, ben, merci beaucoup, Evelyne. C'est pas mal plaisant que tu ailles passer. Cela dit, ben, comme Jessica n'est plus là pendant un temps, tu es la bienvenue dans le futur, si tu veux venir. Je ramènerai d'autres livres de marde. On va trouver des affaires. Parce que non, de fait. Oui. J'avoue que des fins. Oui, comme l'autre jour que je suis tombée sur un livre « Lisez dans vos feuilles de thé ». Si vous y voyez un avion, c'est que vous ferez sûrement un voyage. Ouais, je pense que ça va vraiment pas devenir ça. On pourrait amener du thé puis lire. C'est ça. Voilà. Est-ce que ça marche avec les poches de thé ou ça doit être plus dur. Moi, je pars. Si vous y voyez une poche, eh bien, c'est que en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Hey, DJ George, ouais. C'est le deuxième bout de ta deuxième bout de deuxième chronique. Ouais, là. Fait que check bien ça. Play. Aha. Alors, vous reconnaîtrez ici Annabelle, la moustache à papa. Moi, quand j'écoute ça, je pense tout le temps inceste. C'est comment t'as dit, Evelyne? Que j'avais pensé à l'instant. Oui. Parce que la moustache c'est de papa. Parce que moi, c'est la toune qui jouait la première fois que j'ai fait l'amour. Ouais. C'est étrange. Ça, c'est le danger de. Baiser en laissant ton laptop à random. Moi, je fais jamais ça. Bon, alors, on passe à d'autres choses. Alors ici, on a... c'est le fun parce qu'il y a plein d'affaires que j'aurais jamais pensé à faire jouer. Donc, on a Michel Lamotte, le fils de Willie, qui chante Rock'n'Roll à cheval. Ça, c'est excellent. Je chante le rock'n'roll. Je chante le rock'n'roll. rock and roll. À cheval. À cheval. Je chante le rock and roll. Je chante le rock and roll. C'est ta réponse? Avec une guitare et un grand lasso. Comment il fait tenir les deux en même temps? Hein? Joue de la guitare et du lasso. C'est comment il fait pour yodeler? Sur un cheval. Sur un cheval. C'est comment il fait pour yodeler avec une cigarette dans la gueule de même? C'est pas facile. Il y a tous les talents. Alors, Michel Lamotte, d'ailleurs, vous vous rappellerez peut-être. Rock'n'roll, il aime le rock'n'roll. Oui, à cheval. C'est que ça me fait penser à quelque chose. C'est que Willy Lamotte, en 48, mon Dieu, ça fait longtemps, chantait ceci. On connaît la chanson country joyeuse. Et voilà. Chantait à son fils Michel. Donc c'est lui, Michel Lamotte, qui a fait Rock'n'roll au cheval. Michel, Willy Lamotte, je pense que lui, vraiment, là, toutes ses tunes sont pareilles. J'essaie de trouver des différences, là, puis j'en trouve pas souvent. Voilà, fait que maintenant, on essaye autre chose. Oui, merci. Il a changé le nom de la rue Sherbrooke pour Willy Lamotte à un moment donné. Oh. Quelle bonne idée. Oh non, c'était Robert Bourassa. Non, Robert Bourassa, ça, c'était pour Parc. C'est ça. Ouais. Alors ici, on a les habits jaunes qui chantent « Bête à manger du foin ». Correct, elle pose pas de questions. Et voilà. Hey, rendu là, t'as comment de tunes, toi, dans ton fichier, là, random, là? Moi, aujourd'hui, j'en avais préparé 1741, desquels choisir. Oh. On va aller vérifier si les autres font leur émission après. C'est ça. On laissera aller ça. OK, j'en pars un autre, là. Ah, ça, j'ai déjà fait jouer. Mais t'es bonne quand même. On pourrait la laisser en fond pendant que tu pars ton bloc chien. Peut-être c'est les Cedarmon Kids qui chantent The Bible. Ah oui, c'est vrai, c'est bon ça. On est plein Bible, that's the book for me. Ah! C'est inspirant. Bon, on va y aller avec les deux petites dernières de la soirée. Il y a une famille de Bristol qui était désespérée après que leur chien se soit enfui de la maison et tente maintenant de le retrouver grâce à leur urine. La famille dont les efforts n'ont toujours pas porté fruit a décidé d'aller voir un expert en comportement canin qui leur a recommandé de conserver leur urine et de la distribuer à des points stratégiques de leur quartier afin que le chien retrouve leurs traces. Espérons avoir des nouvelles de cette tragédie bientôt. Hey, c'est fabuleux, Internet. On se ramasse à savoir ça. Il y a du monde qui s'en va porter le pisse partout en ville. Pour trouver leur chien. Pour avoir le chien. Et nous, on le sait. Puis on en parle. Hey, c'est fabuleux. Merci, Bruno. Plaisir. On va continuer avec la dernière nouvelle du bloc chien, la dernière nouvelle de la journée. Un homme du Kenya ayant découvert que son chien avait mangé l'argent pour payer son loyer l'a emmené au poste de police pour se venger. Il a alors demandé à la police d'arrêter et d'enfermer son chien. Le policier a d'abord refusé, puis a ensuite accepté lorsqu'il s'est fait proposer un cachet. L'officier qui a mis le chien en prison s'est par la suite fait congédier pour avoir accepté un pot de vin. Le chien est retourné chez son propriétaire qui tente maintenant de s'en débarrasser et de trouver de l'argent pour payer son loyer. Il pourrait le vendre. On est rendu à normal. On suppose que son propriétaire a pas accepté l'excuse « mon chien l'a mangé ». Non, c'est ça. C'est rare qu'on accepte ça. Aïe, puis c'est ça devait être de l'argent à papier, fait qu'il pouvait pas y ouvrir la vente. Non, c'est ça. Trop tard. Ouh, ouais. C'était trop tard déjà. Donc, si vous avez un chien, payez tout le temps votre loyer en monnaie. Ou bien, au pire, avec des chèques. Si vous êtes 33-6, soyez pas trop relax. Ouais. Non, c'est ça. Parce que vous allez avoir de l'arthrite. Puis on a parlé de... C'est quoi, c'est Manus? Mac-Manus? Magnus? Mac-Manus. Mac-Manus? Mm-hmm. C'est qui, lui? Oh, il a fait de Newlyweds dans les années 10. Il a fait pas mal de petites séries en fait dans les années 10. C'est un collègue outcore. Enfin, il est à peu près la génération d'après. Ok. Parce qu'il est, je crois qu'il est né en 1885, quelque chose comme ça. Y a-tu rapport avec Gasoline à aller? Non. Non. Mais je pense qu'il était en relation avec King, ouais. Mais à mon avis, non, rien à voir. Okay. Et il a produit aussi des films de dessin animé d'ailleurs. Oh. Ouais, produit par Emile Cole. L'animateur français, donc il a dû rencontrer Raoul Barré aussi d'ailleurs. Yahoo! Voilà. Raoul Barré, c'est un Québécois, c'est lui qui a inventé les tables percées qu'on utilise encore de nos jours pour faire du dessin animé. Oh, le dessin animé n'existe presque plus, malheureusement. Ouais, c'est tout sur c'est tout infographie. Avec les internets. Bon, non, mais c'est donc, vrai que c'est peut-être... C'est lui qui a inventé les tables qu'on n'utilise plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a de quoi, Pierre. Pierre voulait dire de quoi de sûrement un petit peu moins évident. Excuse-moi. Ah non, c'est parti. Allez, on va aller écouter une chanson gentille là, pendant que c'est l'autre qui s'est gosé en arrière. Il a lâché pas de Normand Lamour qu'on entendait. Il a lâché jamais. C'est probablement ma préférée de Frank Black. On va revenir poser quelques questions après ça à notre ami Pierre Chamartin pendant qu'il est encore là. Tu sais, parce qu'il est plus là, puis on pose des questions, il ne pourra pas répondre. Ouais, on peut les poser quand même. Ouais, c'est sûr. Mais il ne pourra pas répondre. Ben bonjour, ici Simon Chénier, vous êtes à 70%, la meilleure place où je prendrai mes vacances. Nous sommes Vidéoville, et nous sommes à 70%, la première place où on a pris nos vacances. C'est tellement vrai. C'est la désopilation. C'est des rires de retour à la maison. Et où? Oh, les rires de retour! Il fait 18 degrés. Il fait 18 degrés à l'extérieur. Il est 8h24. On a du plaisir en studio. C'est là, pas du tout du plaisir en plastique. Non. Pierre Chamartin. Là, t'as présenté notre site un petit peu en classe. D'où t'en as entendu parler? Parce que, Votre site, je sais même plus. Je pense par Nanarland. Est-ce que c'est possible? Ah, ça se peut. Tout est possible. Je pense que vous avez un lien sur le site de Nanarland. Ça se peut. Et j'ai dû surfer sur le site de Douteux. Il y a peut-être l'an dernier, je sais plus exactement. Oh, et par le fait même, j'ai écouté quelques émissions en fait qui étaient archivées. Ah parfait. Ça fait un moment que vous tournez. Alors ouais, non, je pense que ça fait un an, si ce n'est peut-être plus. Je sais plus exactement. Et puis sinon, moi je me souviens, tu m'avais envoyé deux sites qui étaient vraiment fabuleux pour les bandes dessinées spéciales. J'ai fourragé pas mal. Est-ce que tu pourrais en reparler là? Oui, je peux. C'est un couple de collectionneurs de temps auto qui collectionnent tout et n'importe quoi, mais surtout des bandes dessinées puis qui font les boutiquaires. Et donc ils animent ce site qui s'appelle Mr. Kitty, comme le petit chat Kitty. Okay. Mmh. Et l'une de leurs pages en fait est intégralement consacrée à leur collection de bandes dessinées. Ils ne collectionnent que des BD douteuses, mais très douteuses, douteux esthétiquement, douteux pour le contenu, de la grosse merde. Et, ce sont de fins connaisseurs. Et je vous conseille ce site, donc Mr. Kitty, et vous pouvez googler sinon à Stupid Comics. Stupid Comics ou Mr. Kitty, je ne sais plus exactement, mais enfin, ça doit être quelque chose comme ça. Okay. Et je garantis un bon 20 minutes de tapage de cuisse parce qu'il présente vraiment des choses hilarantes. Ah oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Il était en train de nous montrer. Ben moi, quand je suis allé, c'était l'histoire d'une dame qui était grosse, et puis ben elle se fait traiter de grosse laide par tout le monde tout le long de la BD, et puis à la fin elle dit ben je suis une grosse laide, c'est normal. Ça c'est une BD, c'est typique en fait des années, c'était des BD faites par des messieurs d'une quarantaine d'années qui produisaient des bandes dessinées à la chaîne pour jeunes femmes, donc c'était des hebdomadaires pour jeunes femmes avec le meilleur message possible. Ouais, exactement, je pense dans que lesquels on se reconnaît. Oui, c'est ça, exactement. On est rendu au moment où avec tes bourrelets. Ouais, c'est ça, ça déborde, Evelyne. Ouais, s'il y en a qui sont incommodés, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a à la maison. Ouais. Appelez-nous. Pierre Chamartin, on va demander un indicatif. Oui, bien sûr. Donc, je suis Pierre Chamartin. Et aujourd'hui, j'ai rencontré mes deux copines, Paris Hilton et Britney Spears. Et Britney Spears m'a demandé de vous délivrer ce message. Moi, tous les lundis soirs, j'écoute 70%, enfin, quand je ne suis pas à la gym. Ah, ben j'aime. Ouais, c'est bon. Là-dessus. Elle est sympa. Non, vraiment super sympa. Superbe d'esprit, j'avoue, on fait elle pas de elle est pas aussi superficielle. Non, je te jure, c'est tellement pas. Ouais. En fait, on se fait une super mauvaise idée. Elle est juste superficielle en surface. Exactement. Ouais. Superficiellement superficielle. Le Pierre Chamartin, on a même une ride pour toi si ça te tente de venir écouter. Cible primaire avec nous au Brouhaha. Tu vas te faire payer de la bière en masse. Ce soir, d'accord. Plus loin que ça, merci Étienne Forêt, merci Bruno Corbin, les deux que je prends pour acquis. Et puis toi, ben Evelyne Potvin Cloutier m'a te parlé dans le casse tantôt. D'en face. T'as dit toutes mes secrets à tout le monde. Ben là-dessus, bookez vos affaires, vous autres, parce que moi, je vais lire la dernière partie de mon texte et puis mettre le dernier bout de Cible primaire, alias Total Force, le film de 1997, qui va nous faire vibrer tantôt. On ferme ici les petits micros. Et c'est quoi ce long métrage Wellington Industries et de ses industries qui révolutionnent le monde par la science? L'ampleur de leur génie scientifique peut facilement être mesurée à l'ombre de leur dernière découverte, le neurolateur. À l'écoute de ce nom, on peut imaginer le mandat d'une entreprise qui focus autant ses énergies à la recherche et au développement, tout en se foutant autant de l'aspect distribution de leur géniale découverte. Neurolateur. Wellington Industries, donc, cherche en la personne du gouvernement américain un client potentiel pour son neurolateur, une arme toute puissante servant, bien entendu, à neurolater. Mais l'arme est trop puissante. Wellington a pété les plombs, les terroristes veulent s'en emparer et le gouvernement en a assez du mégalomane Wellington, chef de Wellington Industries, source de toutes ses inventions de fin du monde. Avec le neurolateur au centre de la crise, Timothy Bottoms parviendra-t-il à garder son calme, Steven Seagaléen, durant tout le film? La menace de neurolatisation, un nom de neurolatage planétaire, sera-t-elle fournir 90 minutes de matériel à un scénariste? Frank Salone était-il vraiment fâché avec son frère au point de devoir jouer dans un film de ce calibre-là? Autant de cervicales cassées ne démontrent-elles pas un besoin de sensibilisation à la cause des munchés neurolatés? Mais, et c'est là que je souffre, vous pouvez rentrer les amis. Le plus, qui peut penser que les nombreux stock footage éparpillés durant le montage de la séquence d'introduction pouvaient être considérés comme pertinents? Moi, j'en suis à ma deuxième écoute. Je vais le savourer d'un bout à l'autre. Pour l'instant, je vous ramène dans l'aventure. Oh, bouf, pas longtemps. Voilà. On s'en va finir de bout de cible dragon. Cible primaire, pas cible secondaire. C'était 70%. Merci. Puis restez là pour écrire à ta taille. 4, 3, 2, 1. Nous allons être témoins du procédé de métamorphose. Les comportements inhibiteurs normaux du cobaye sont en train d'être brouillés par l'activité électroneurologique intense. Vous avez déjà constaté que le cobaye a par nature un comportement craintif. Le stimuli externe va le transformer en tueur sanguinaire. Ce second sujet que vous voyez maintenant vient d'un quartier de haute sécurité d'une prison d'État. Il attendait son exécution dans le couloir de la mort. Les impulsions physiologiques d'abord ressenties comme de la souffrance par le sujet vont ensuite le stimuler et le rendre violent. En d'autres termes, il s'agit d'une poussée d'adrénaline. On est à 100. 101.5. Stabilisez-le à 0.6. Le cœur bat régulièrement à 0.6. Les vibrations mentales sont à 16.75. 75, c'est bon. Le sujet devrait maintenant entrer dans la phase PAD. Qu'est-ce qui se passe, mon sang? Où en êtes-vous? Il n'y a pas de changement apparent. Docteur, nous avons un problème. Le sujet finit par s'affaiblir et la mort. Amis cinéphiles, bonsoir. Nicolas Krief au micro pour cette nouvelle édition d'Écran Total, une émission qui parle de cinéma et de cinéma. Bonsoir à tous mes collaborateurs, Guillaume Côté. Bonsoir. Marie-Lise Rousseau. Salut. Rosemée Tardif-Morin. Allô. Ça va? Ça va bien. Ouais, ça va. Cool. Et Valérie Ouellette à la réalisation et à la régie. Vous avez passé une belle semaine, tout le monde?